kate paradis a li boso Nzete ya mapela nzoto mike kasi bokono te ezanga Yo, Dynastie EK. Yeah,

perle noire. Moi c'est Kitoko. Okende, okende, ke, ola kaka okozongae. Adresse au ticket, la kingana, comme la kaye. Na komi, na lembi, na zwe, atae, yandote. Zoko zongana, kinye, feli mo bando. Zoko zongana, kinye. Boka, boka, Miss Pomolo. Okende, okende, ke, ola kaka okozonga, fili. Adresse au ticket, la kingana, comme la kayoye. Na komi na lumbi, na zuyata yu ya note. Zoko zongana kinye, feli mbando. Zoko zongana kinye. Kolodo Pires, Lolo Iyolo Simolongele. Na musika, bamonyo na miesta soatizan. Zoko keneke, promenade na bazer na misuswe. Nazima wa nazanurina kaya bayespa motema mo peli moto peli mo bando motema mo peli moto Santos Najera Oasis Ogama na musika ba monu paya le grand mo pao soko keneke promenade na base la misuswe. J'ai Koguru Yoka mon pari, mon pari, mon pari, mon pari, mon pari, mon pari, mon pari, mon pari, Kim Service Express. Allez, c'est Kimbeni. Rems Pumboy, Willy Chinga, Gladian Tsa, Willy Vida. Ah! Toki Babengi Blaise, Bongani Ali, Kombe Gabi, Mokiye. Oyo Azali, Likombe, Mawanaye. Gino Bokana, Gera, Lifonja, Chantal Yikwe Kachaka. Oyo Azali, Likombe, Mawanaye. Lili Kanja Hélène Nguvulu Carole Fabien Papi Tombala Bijou Nguango Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Dadi Itao Ize Ola Mimi Dispil Gete Bomolo Mouika soke mousa katendi. Oyo azali likombe. Debola deboulesa. Nato bombole lumu kamba. Fidel papa la honorable chama. Oyo azali likombe. Eric Mafuta Jules Dikando. Ano ano ano. Ano ano. Dupine kaka. Ano ano. Alambi koko. Ano ano. Elodi. Fofo. Yele. Olina. Soki babengi Charlie Dani Romelo Kwayi Kondo. Yevre Mazeko Eric Sheila. Tata Silva Dede Bikofo Claver Elinegi. Papa Mabengo Lolibe Mukadi. Matabi Salino. héritier Itélé. Visa à suivre. Allez, mouché du passa. Vérité Bima. Maloula yokala polino mfumwe alobela yete kalalelo moto abudungu yesembolinga mote manangai yoka polino Joma Yamba MJ Majo Makana yokala polino mfumwe alobela yete kalalelo moto abudungu yesembolinga mote manangai yoka Kushamana Nzambe malamu ayoki losambo na ngai olelonga na sengi tala ye apesi ngai polino bawa mabandu ezo torture ngai Chico Zikianda polino nzoto kitoko etre rarissima na luli mpe na lingi kasi etikali ezalele na ye Nakoluka mwa nzimbu nasombela yo chakwe Natia na kaja na lupango Napesa kumwa polino Soki na benga ndi manga Anatenda mese mwa polino mfumwe Zoko za laki poto tika wa santu Lopez Sande Lombe laki mwa pana nini Lelonga na yediki polino mfumwe Le Tchel Naka, le beau papa Chandi, Tuna Didier Ngoi, Nadio Merci Lomboto, Willy Kabuya. Nakoluka mwa nzimbu, nasombela yo chakwe, Natia na kaja na lupango, napesa kumbwa polino, soki na benga ndimanga. Eric Massidi Zozo Moutens A tu caiba da la Patrick Kofo Zinga. Yolanda Kanyeba, Willy Kwembe. Jean-Pierre Mwaka, Alain Cédé. Patrick Lissedjina, Claudine Chou. Que Julie Lumbe, Gabin Chiteya, J.R. Ikoli. Aïe, Oda Boda Oda Ke, Mambo Wala Olebe, Ati Jolili Kamja. Si Seinabu, MCN, Gomer Somao, Alexine Zebo, Gabi Mota, Patimu Benay. Nicole Sarah, Claudie Fiard. Grosso modo, ils a peut-être été Abraham Matingo. C'est biberon non hein. Onga natika la sekoze la kayoi. Bai ba pesanga inkombo moni mona quartier. Anga Clovis na koma nanga sekole la lulaka. Onga natika la sekoze la kayoi. Bébé Faila. Bai ba pesanga inkombo moni mona quartier. Didier Savane. Clovis na koma nanga sekole la lulaka. Yo pesa ngaño soka si mote mate. Yo tali pesa teneme boni mwen. Savane Ronaldo. Amone singa la monika ka jeto. Zonga zonga fogito José Kalemba. Zonga na yo. Zonga la ka boni kwa na koni. Natali ka kone. Mani na mame siwa. Enkoni na oki teme. Mimi chumating au sucre. Na pesio chan saliba. Sina hollandaise rose. Zoana ya taga bizamato. Sylvia Makambo. Senda Sengor. Francis Roy de Gaulle, Makani JP Suisse, Madibel Kaninda. Kola usia ma Frida. Kola usia ma. Kola usia ma Katumba. Kola usia ma. Papa. Samila ka samila zami. Kola usia ma. Kati wata. Samila ka samila mo. Kola usia ma. Laboko na yo ego tala bandeko. Nibolulu. Mama. Kani de Paris Jamais Mobila Romain Manatino Yebongo na Richard Maboso Kadi et Casquito Belilasa, Eric Michou Savanet, Exxon International, la voiture à domicile. Félix Tyson, débat forme, soyez. Kader Sissé. Kana Loris, la Congolaise, Gigi Loboko. Il service à Bruxelles. Bazin d'or à Abidjan. Jean-Jacques Loutete, Ndaogo na Jazz, Jean-Médard Ewing, Tita Zareta, Junior Bellato. Genève, Jolie Likanja, Boda Boda Tokin Service Londres. Toko Olinga Kabuye Serge Kassanda Yakibi Bamba Gila na Ninja New Jack. A Nairobi, Sony Chaga et Nelly Chaga. Jana Mokoko, Dada Benga Yvonne Izea. Mok mokolo kendeki natikala mawa ya kozela yo mokolo kozonga Koko Bolenge Aston Villa na Londres Papi Menga de Vandame, Chamos Lisette Menga, Yelanga, Maya Pio, Namela Nakiti Samotema, Oyange Komi Kombeta, Nalelio Iva Menga, Kawanze Nanga Kol Sendala, Didier Kani, Bobe Bolaboui Laurence Galunga, Chico Polo, De Castro. Jean-Louis Okoumé, Jikam. Jean-Paul Soumou, Jean-Mofé Baudouin Moutou. Maman radio. Longa baken tu kosi la bobo. Bonga mucho. Longa baken tu kosi na wivi ne buka o. Bonga mucho. Longa bat, longa bat. Ha, kapulu kulu. Bonga mucho, bonga mucho, bonga mucho korobo, robo. King service na Lyon. Uma uma, uma ima uma mama. Uma ima uma, uma ima uma mama. Uma ima uma champion imole. King service na Bruxelles. Nimanda mandimando roro. Amandil mandama frumandra mayaloro. Amosika papa koni lelo makangwa mama. Mosika mama koni de makangwa chéri moi. Mosika papa koni lelo makangwa mama. King service na Allemagne. Ibrahim Chapon, Pinga Laurent Lorenzo, na Mike Balosa, Lucia Sassa. Bamo keza la kateu, kiti sa mote ma constamboye, eroko yon kombo mbolingo, zara na patience bongoli yambumam, opepe mambele kiye, epikoli espoir nangaye, pa rendez-vous manqué. Matana komiko banga ye Cyril Takis Zankoto comme si mon son part Ekoti nanga masengi nyaye Fote a distance Bidambu nanga esuki epana yo Yaka kozwa nonga Schengen place Abs kapanga la loma la holz Yoza mon exe ki ne nuit pa Yoto nanga motema mekaye Lovez e loko ya sentiment Ana jadou Korinato ya yue koma Sinu mimi amor Egui ya mote me komi kozona Atis photo Na sense inversa A deux mètres nanga y cimetière Tomatana komi ko bango Na koufa bolenge Eske na kozwa kampe kimia seko Na koufa na bo mwana Idambu nanga yesu ke para yo Foto Joël Charlie Kadima Eva Malako Bolingwe zala ki ya popo Damokati Jean-Lumérita Vianney Kande Kostoko pesanga mokongoti Yamanga abra ouver Patrick Mbongambeni Claude Moke André Pindi Kona bisoni damu Zinga Nkemba Ikoma kota nga jour d'anniversaire Simplis Aundo Kona makubwa yo mama mbendaki Kuto kisa kipewa na ya kumwana Kuti ya nasi ya matanga Jean Silousi Kona kipi Amuna biso Yebo yebo Buta di muta Henri Papa Godelive Katumba Bin Lumbu Eteliès A Guima Pendo Richard Lutumba Kaman Vama Eva de Scandinavie Boni Marco Diole Laya Ate loko boya na kore na yo kaka yo constant lo matari Rombo ni kima Yo papa finga batonga mpambanga no seri wevo Samba Sankara Neke Roche Massim Stembo Maître Wira Hamoukouna de l'Ordre Café Mosaïque Roger Soumba moto ya bolingo ezala 100% Jean-Louis Yaba Bijou Mboma, Elise Mboma Dedembi ya le billionaire Yves Sende Ojoma ya Nene, Lufira Nani Mbombe DJ Koko Ekozala Eza déjà Zete yambila Epesa ntamba Epesa pe Mafuta Kasi bandima yete Ah Tchè Tchernobyl Mimi Dispi Ngandoli Restaurant Cherokee à Paris Tata ma passe à Londres. Mario Soubayende apéritif, Josso Mundele. Kissinjora. Fouelo de Souza, Gabin Tembo Gouter, Papa Akan. Mandarine Clémentine Kela, Alain Chalako, Ibrahim Chakoin, Frontière Aliwa, Robert Mapassi, Raison Kelo. Alex, Alberto, Nabundes. Terrano synthétique, Cyril Mandiango, bienvenue Migoshi. Douglas Nalola. Charlie et Salo. Wapi Pele Mongo. JB et Kwaki. L'an 2000, Kissinjora. N'allez pas ça. Allez, saladi. Hey, Maurice Katendi International. Patrick Louo, Trésor Chango de Napoli Lipemba, Rodi Fula. Sinta, ale. Naina banzaka yozala kana bulingo nangana mote mana yo. Zoka na mikosaki na miokeli mama uemi vikam. Bongo isalinga impasi, obolozi ya susi. Yango na komiko silanzo, tupompe du coeur izate. Yesu Christu ya kakozo angana bika na kota. Banza vele lulu. On a beau s'en passer à cause là, au lingo de yo, Vika, Nana Banda Kayoza, la cana, au lingo, Nana Mote, Mana yo. On a beau s'en passer à cause là. Tinono et Jijimo Awili Shongo Jojo Alitalia José Ndomba Didi Miamalembe Côté caca, la base à pas côté caca, Dike Kalukemba, bébé Jadis, aimé et salofila Kalonga Makatina Londres. L'amour est bon, l'amour la maman, et avant l'heure, au beau saniba promesse. Avec ta ma baby, si bien à la bonne humeur. Zuzu Bekiki, Babie Kwaelo. Acha kwenye ye mate, ma Ngambe, na Israël, na l'Empire. Club chez Robert Rizé à Pointe Noire. Ah. Didi Coco, Didi Coco, Nkunda famille, Didi Coco, Didi Coco, Papi Likonda, Guinde Papa Laetitia. Chaleï et Pierre Chamba Transcofret. Afrique à rythme yabolikango. Didi Coco, Didi Coco, Nkunda famille. Sylvie Samba, Didi Coco, Wapi Likonda. Chamo voto. Voici qui toque olive, l'or à l'état brut. Japonino misali mabe kakase yo moko mbongo epona kio bingana ngo pukwa nyanja weli weli saki basi atikala kitiba na mapoze ebele nyanja weli weli saki watu atikala kitiba na mapoze ebele mosoro yo tukozu wakana mpasi. Onini yoko sakana kana yanguru kola ngubai. Nyanja, nyanja weli weli saki basi atikala kidiba na mapoze emele. Ligue des champions quoi. Musée Club José de Paris. Elton na Elvira et Coq, Nicole Nikita. Chirac Makayabu, Izanga Mungwa.